Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Benoît Gauthier qui vient nous parler de son roman « Lorraine d'or et de haine » publié aux éditions Rebuline. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors pouvez-vous vous présenter, nous parler de vous ? Eh bien, Benoît Gauthier, je suis cadre dans une grande entreprise, mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis passionné de littérature et surtout d'écriture. Et donc, depuis toujours, j'écris, j'invente des histoires, je les mets sur le papier. Et donc, j'ai écrit plusieurs romans qui ont été, dont plusieurs ont été édités. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes donc vous cumulez une activité professionnelle et donc vous écrivez ouais. également. Alors, c'est pas difficile de scinder les deux activités ? Vous n'êtes pas omnibulé par le thème de votre roman tout le temps ? Ça fait partie de mon équilibre. D'accord. Et vous écrivez quand, là, en fait ? J'écris la nuit. Vous écrivez la nuit et le matin, oui. D'accord. Oui, parce que moi, je regarde peu la télévision. Donc, quand chez moi, on regarde la télévision, moi, j'écris. Oui, vous lisez aussi beaucoup ? Je lis. Alors, quand c'est difficile de faire les deux, parce que quand on se lance dans un projet de roman, de fiction, peu à peu, le personnage vous prend, l'histoire vous prend, et puis ça vous occupe l'esprit, donc on ne peut plus lire. Donc, il y a des moments où je suis plutôt lecteur et des moments où je suis plutôt écrivain. Voilà. Ouais. Et vous aimez raconter des histoires ? Ah oui, j'aime. Vous avez toujours aimé raconter toujours, des histoires ? Toujours, oui. Et vous écriviez déjà, étant plus oui, jeune ? Oui, j'ai toujours l'impression d'avoir écrit, toujours, des petites choses. On a retrouvé des petits gribouillis quand j'étais enfant, c'est assez amusant. Mais j'ai toujours raconté des histoires, oui, voilà. Ah oui, c'est marrant. Alors, vous êtes bordelais d'origine, vous n'êtes donc oui. pas lorrain. Vous êtes lorrain d'adoption depuis... Je suis lorrain depuis une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années. Je ne sais pas au bout de combien de temps on peut dire qu'on est lorrain. Est-ce qu'il faut avoir deux, trois générations ? Non, moi, ça fait une quinzaine d'années pour des raisons professionnelles que je suis arrivé d'abord dans les Vosges, puis à Nancy. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'écris beaucoup sur la Lorraine. Alors, dans votre livre, vous faites dire à votre héros, la Lorraine ne se laisse pas abandonner comme cela. Oui. On ne guérit pas de la Lorraine. Vous aimez ce pays ? Oui, beaucoup. Ah oui, moi je suis... Oui, je peux le dire, je suis tombé amoureux de la Lorraine, oui. Ah, mais c'est une très belle région. Puis on a une qualité de vie. Moi, je venais pour des raisons professionnelles de région parisienne. Et je pense que les Lorrains doivent se rendre compte de la chance qu'ils ont d'habiter ici. Hein. À part le climat, il y a juste ça qui me gêne de temps en temps. Avec le réchauffement de la planète, ça va s'atténuer. Ça va s'atténuer. Ah, je ne sais pas, on risque peut-être plus de pluie qu'en ce moment. Et là, c'est un petit peu difficile. Alors, vous pouvez nous résumer votre roman, Lorraine de haine et d'or ? Lorraine d'or et de haine. D'or et de haine, voilà. Bon, alors, sans dévoiler toute l'histoire, hein. Donc, le héros qui s'appelle Noël, enfin, il a deux prénoms, il s'appelle Noël ou Nicolas, ce qui n'est pas anodin, et il s'est brouillé avec sa famille quand il avait une vingtaine d'années, il est parti, et puis... 20 ans après, son père qui est resté en Lorraine, qui est resté à Épinal, ça se passe à Épinal, attends les Vosges, et donc on le prévient que son père est malade et il faut qu'il revienne. Donc il n'est pas revenu depuis 20 ans. Donc il va revenir, et la Lorraine qu'il va trouver, les Vosges qu'il va redécouvrir, ont bien changé. C'est plus le Thaon-les-Vosges et l'Épinal de son enfance. Donc voilà, il va voir son père, qui est à l'hôpital, et son père ne le reconnaît pas. Donc au début, il est très décontenancé, et puis on lui dit « Mais racontez votre histoire à votre père, racontez vos souvenirs. Voilà. » On lui dit « Mais comment, qu'est-ce que je peux lui raconter ? Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. » Et on lui dit, mais si, vous racontez toute votre histoire, vous racontez l'histoire de la famille. Et il va commencer à raconter donc, sa vie, la vie de ses parents, de ses grands-parents. Et évidemment, il va retrouver son père également, qui au début est assez bourru. C'est un vrai Vosgien. Et puis finalement, les choses vont évoluer de façon extrêmement positive. Et voilà. Je ne dis pas la fin. Non, bien sûr, mais c'est quand même une brouille de famille. Oui, voilà, c'est... À un moment, il se demande est-ce qu'il faut, comme ça, ressortir tous ces secrets de famille, tous ces secrets enfouis, parce qu'il est parti brouiller avec tout le monde. Et puis, finalement, c'est un peu une thérapie pour lui. Il s'aperçoit que il est peut-être parti pour de mauvaises raisons. Oui. Voilà. Bon, avant de continuer à parler de ce livre, nous allons écouter Hubert Félix Thiéphaine. C'est vous qui avez choisi le morceau « La ruelle des monts ». Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait. À la ferme au soleil couchant, dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor. Et l'on allait cueillir les murs en bas, dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa garnison, et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mersel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifor qui libéraient la French County et en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bouille de Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous égouttaient leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Alors nous sommes toujours avec Benoît Gauthier. Alors c'est l'histoire d'un secret de famille, bien sûr, votre histoire. Mais en parlant de famille, vous faites dire par un interne donc de médecine, racontez-lui les histoires de famille, les traditions, les légendes, les secrets, les héritages, les gloires, les défaites, les fantômes, les reniements, les mensonges, les hontes, etc. etc. C'est tout cela pour vous, une famille ? Ah oui, dans une famille, c'est assez bateau ce que je vais dire. Il y a le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est la fraternité au sens les frères et les sœurs, le même sang, on se comprend sans parler. Et puis le pire, c'est toutes ces années accumulées, toutes ces frustrations. Et c'est vrai qu'avec les membres de sa famille, on ne peut pas avoir une relation, saine, apaisée. Il y a toujours un mot va rappeler une situation, un mot va rappeler une anecdote de l'enfance en plus. Et oui, voilà, la famille, souvent, il y a l'enfance. Donc, les traumatismes de l'enfance, c'est compliqué d'arriver à les évacuer ou à les accepter. Dans une famille, il y a le meilleur et le pire. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, bon, il y a des familles qui sont quand même très pacifiées par rapport à votre famille de votre livre. Oui, oui, certainement. Non, mais je pense que les familles où les relations sont vraies, elles sont... Il y a les deux, toujours les deux. Ah, oui. Les familles où on parle, les relations sont souvent un peu compliquées. C'est compliqué, une famille. Ah oui, ça c'est clair. Donc, c'est toujours... Surtout celle du héros. Oui, ça c'est vrai. Alors c'est l'histoire donc d'un secret de famille qui a empoisonné en fait toute l'enfance de votre héros et de sa sœur. Et vous pensez que l'on doit dire la vérité aux enfants, quelle que soit cette vérité ? Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « tout ce qui n'est pas dit se répète ». Je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que quand on veut cacher de façon inconsciente, dans le subconscient, les choses se reproduisent. Et le fait de dire les choses, ça permet de dégonfler, de crever l'abcès. Bon. Ceci dit, doit-on tout dire surtout aux enfants? Évidemment non. Il y a peut-être un âge, mais en même temps, les traumatismes arrivent dans l'enfance. Donc, c'est compliqué. Et très tôt. Les enfants sentent tout. Bien sûr. Le héros, c'est vrai qu'il y a un peu de moi dans le héros, mais c'est une fiction. D'abord, je ne suis pas vosgien, donc, puisque ça se passe dans les Vosges, mais c'est vrai que quand on écrit, on met toujours un peu de soi. Voilà. C'est compliqué, il faut à la fois dire, surtout quand on a des événements un peu dramatiques. Là, le héros, donc, il y a un deuil, on peut le dire, puisqu'il perd sa mère. Et donc, que doit-on dire, que ne doit-on pas dire aux enfants, surtout quand ils sont petits? Et puis, je pense qu'on ne dit pas la même chose à un enfant qui a une dizaine d'années, qui a un tout petit. Il ne comprend pas la même chose, donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut dire les choses. De toute façon, c'est la parole qui libère. Hein, et ce qui n'est pas dit se répète. Et ça ressurgit après, des années après. Voilà, c'est un peu l'histoire du héros. Et finalement, il va quelque part guérir quand il va parler. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, votre héros qui s'appelle Noël Nicolas, parce qu'en fait, il est devenu célèbre, donc il a changé son prénom. Oui. Il a changé en Nicolas. Donc voilà, c'est important. Donc quand il est parti, il a voulu tout changer, y compris son prénom. Donc il s'appelait Noël parce qu'il était jeûné le jour de Noël. Et il avait toujours trouvé ça assez ridicule qu'il s'appelle Noël, parce que dans Lorraine, on ne fête pas Noël, on fête la Saint-Nicolas. Bien donc sûr. Quand il part, il veut s'appeler Nicolas. Oui, c'est important. C'était important pour lui. Oui. Alors, il puise dans ses souvenirs donc, pour raconter l'histoire. Alors, il dit raconter sa vie, c'est la reconstruire. Oui, tout à fait. On a pourtant l'impression qu'il n'a jamais grandi, qu'il n'a jamais guéri de son enfance. Ben, c'est sûr, le fait qu'il ne veuille pas revenir, finalement, il revient parce qu'on l'oblige un peu. On lui dit, écoute, tu peux pas rester comme ça. Il n'est pas allé à l'enterrement de sa grand-mère. Et là, c'est son père quand même qui est sur un lit d'hôpital. Et sa sœur lui dit, tu dois revenir. Donc, il revient un peu contraint et forcé. Donc, oui, tous ces traumatismes de l'enfance, il les a pas assumés. Quelque part, il n'a pas grandi. C'est toujours... Et quand il revoit sa sœur, il se revoit, il a les mêmes sentiments qui reviennent, à la fois de jalousie, qu'il avait quand il avait 10 ans. Parce que grandir, c'est assumer tout ça. Oui, oui. Oui. Donc, ce qui va se passer, finalement, c'est ça. Tout d'un coup, il va grandir très vite. Oui, c'est ça, il va grandir très vite, en fait. Et c'était un petit peu surprenant dans la mesure où il est cinéaste, en fait. Ouais. Donc, les cinéastes ont plutôt l'habitude de voir l'envers des choses, alors que lui, il n'avait pas évolué, il n'avait pas du tout de regard, de recul par rapport à son enfance. En fait, il était resté bloqué à une certaine... Ah, oui. Finalement, il avait... Vis-à-vis de lui-même, il n'était pas du tout objectif. Il y avait une espèce de rejet. Il avait mis de côté dans un petit coin, cadenassé toute son histoire. Et il va à un moment le cadenas, il va falloir l'ouvrir. Oui, mais c'est ça. Alors le père Jean est un Vosgien qui a toujours fait honte à son fils. Oui, un vrai Vosgien, un vrai taiseux en fait. Hein. Taiseux. Un vrai taiseux. Qui lui dit toujours, dès qu'il a une question un peu compliquée, son père lui répond oui, ça se pourrait. Oui, c'est ça. Alors au fil de l'histoire, il va prendre quand même un relief surprenant. Oui. Vous avez une tendresse particulière pour ce personnage? Bah évidemment. Oui. De toute façon, quand on écrit. On s'attache aux personnages et puis moi je peux pas écrire sur des personnages qui me plaisent pas. Ils ne peuvent pas être qu'antipathiques, ce que je sais pas faire. Il faut forcément qu'il y ait un côté un peu. On est toujours un peu fier de ces personnages. On les fait vivre, et puis ils vous dépassent. Ils vivent tout seuls à la fin. C'est vrai. Ah oui, complètement. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, enfin il y a des écrivains qui disent qu'ils maîtrisent complètement. Ah non, c'est pas vrai, on maîtrise rien du tout. Ils ont une vie propre. Oui, tout à fait. Bon, au début, enfin moi quand j'écris, j'ai quand même un canevas, je sais où je veux aller, la fin je la connais. Mais les personnages, donc bah oui, il faut mettre un certain nombre de grandes lignes, et puis au fur et à mesure que les personnages prennent vie... On leur trouve des histoires, on leur trouve des traits de caractère. Et puis c'est eux-mêmes hein, qui suggèrent des traits de caractère. Et bon, à la fin, il faut mettre un peu d'ordre, parce que sinon, c'est un roman. Là, finalement, la fiction, elle est plus organisée que la réalité. Hein. Dans la réalité, on trouve tout. Mais dans la fiction, on essaye quand même que les choses soient... qu'il y ait une certaine logique dans l'histoire. Oui. Alors, en filigrane de ce roman, il y a toute l'épopée Boussac dans les Vosges. Ouais. Bien sûr. C'était aussi un personnage extraordinaire, oui, Marcel oui, Boussac. Oui. Vous aimez les personnages mais qui Serge, sortent. Bon, pour ma vie professionnelle, j'ai travaillé donc... à Épinal et à Thaon-les-Vosges assez longtemps. Et c'est vrai que moi, j'ai été fasciné par tout ce qui reste de l'Empire Boussac. C'est surtout un patrimoine immobilier, toutes ces friches industrielles, surtout à Thaon. Et c'est très romanesque, tout ce qui reste. Donc oui, je l'ai fait. Donc le père, je l'ai fait travailler. J'imaginais qu'il était cadre supérieur chez Boussac et qu'il allait vivre à la fin de cet Empire Boussac. Voilà. Voilà, puis j'ai eu l'occasion de parler de Marcel Boussac qui était un personnage extraordinaire. Je pense, quand moi même, je l'ai découvert en écrivant ce roman, je pense que c'est un personnage assez extraordinaire. Et oui. Voilà, donc je l'ai mis dans l'histoire. Ben oui, avec oui, ses oui. Ambiguïtés, donc bien la, sûr, grand-mère, la grand-mère, j'imaginais qu'elle était directrice de lycée et qu'elle l'avait connue pendant la guerre. C'est vrai que Boussac a été un personnage un peu comment dire, controversé pendant la guerre. Hein. Bien sûr, mais il n'avait pas que des mauvais côtés. Non, il avait des très bons côtés. C'était quelqu'un de très social. Voilà. Bon. Donc, on montre ses bons et ses mauvais côtés. On parle de sa femme aussi, une cantatrice. Donc... c'est une vie très, très romanesque. Oui, il a un petit peu traficoté avec les Allemands, mais en même temps, il a continué à verser le salaire. Mais en même temps, pendant prisonniers. La guerre de 14, c'est lui qui a provisionné l'armée française en uniforme bleu horizon. Donc, il a tout fait. Quoi. Oui, oui. Il a inventé le pyjama. Voilà. Ça, je ne savais pas que c'était le créateur du pyjama. C'est lui. Alors, dans votre livre, vous abordez de nombreux sujets, y compris l'homosexualité, l'autisme, le catholicisme. Vous n'avez aucun sujet tabou ? Ah ben non. C'est l'intérêt du roman. Hein. Voilà, on parle de ce qu'on veut. Ouais. Non, mais c'est trois sujets, effectivement. Le catholicisme, bah oui, parce que moi, je suis d'une famille très, très catho, donc j'ai dit plein de choses. Il y a une petite diatribe qui m'a beaucoup plu. J'aurais pu l'écrire. C'est vrai. Alors je dis des jolies choses quand même sur la chapelle salazienne à Thaon et des belles choses. Donc vous parlez donc le catholicisme, ensuite vous m'avez dit l'autisme et puis l'homosexualité. L'autisme, oui. Ça c'est pour le roman. Donc, et puis l'homosexualité, oui. Voilà, j'ai parlé des trois. Oui, vous parlez des trois. Mais c'est un peu ce qui structure la vie du personnage. Oui, bien sûr. Mais tous les personnages... alentour, en fait, entre il y a le père et le fils qui ont un face-à-face, en fait. Bon, il y a la sœur qui apparaît, mais il y a aussi toute la famille qui... La grand-mère. La grand-mère. Elle est géante, hein. C'est vrai que le grand-père aussi est pas mal. Le grand-père, lequel, s'il y en a deux. Non, le grand-père aveugle. Paternel aveugle. Ah oui, il est beau. Hein. Il est beau, hein. C'est un beau personnage. Celui-là, il y a beaucoup de vrais. Il y a beaucoup de vrais. Ah oui, c'est un personnage que... Ah oui, c'est un personnage qui pourrait être historique. Dans ma famille, il y a un grand-père qui est comme ça. Voilà. Et la grand-mère, elle ressemble à une de vos grand-mères ? La grand-mère, en plus, c'est un mélange de plusieurs grand-mères qui existent. D'accord. Et ce qui m'a aussi beaucoup amusé, c'est que votre héros fait un moment un voyage littéraire. Ah oui, donc, oui, ça j'aime bien ça. Un tour du monde littéraire. Moi, j'adorais ça aussi. Ouais. Vous l'avez fait, mais ça, c'est... Oui, j'ai fait. Oui, je sais pas si d'autres l'ont fait, mais on s'arrête très vite. Oui, non, moi j'ai fait ça quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire on commence par... Mais ce que j'ai mis, c'était ça, on commence donc par la France, et puis, alors là je sais plus, donc il va d'abord en Allemagne, puis je crois qu'il va d'abord en Autriche lire du Stefan Zweig, puis ensuite il va en Tchécoslovaquie et donc il va lire du Kafka, puis voilà, il continue et il s'arrête de mémoire au Japon avec du Mishima. Voilà c'est ça. Mais ce qui m'a amusé, c'est que bon, j'ai fait à peu près ce même, mais ce n'était pas les mêmes auteurs. C'est vrai. Oui. Alors c'est vrai que c'est rigolo comme tout. Vous parlez aussi beaucoup de la guerre, enfin des guerres, des deux guerres, parce que bon, les grands-parents ont connu les deux guerres. Oui. Bon, avec des faits d'armes qui sont quand même assez. Mais quand je l'ai écrit, donc on commençait à reparler parce que avec les anniversaires de la guerre de 14, donc j'ai mis des souvenirs, mais moi c'est des souvenirs de ce que rapportaient mes grands-parents ou des personnes que j'ai connues sur la guerre de 14. Donc, ça m'a plu de raconter ces deux grands-pères qui tous les deux ont fait Verdun de façon très différente d'ailleurs, bien sûr, et leurs souvenirs. Et puis, donc le héros dit à un moment que pour lui, la guerre de 14-18, c'est une guerre d'hommes, parce que c'est la guerre de ses deux grands-pères qui racontent. Voilà. Ouais. Mais en même temps, qui en garde un souvenir épouvantable. Et puis, la guerre de 39-45, comme son grand-père était aveugle, donc il ne l'a pas faite. Par contre, sa grand-mère, qui était directrice... elle faisait plus ou moins de la résistance. Donc, en fait, dans l'imaginaire du héros, pour lui, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre de femmes. Parce que c'est toujours sa grand-mère qui raconte la résistance, qui raconte les juifs qu'elle cache dans son lycée. Oui, oui, c'est passionnant. Alors, vous avez écrit aussi un précédent roman, Les Amours de Bélisaire, tout à fait différent. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors, Les Amours de Bélisaire, c'est le premier roman qui a été édité par Bernard Collin, donc des éditions Rebline. C'est lui qui l'a lu. Un jour, on s'est rencontrés, il l'a lu, il m'a dit « je l'ai dit ». Alors là, c'est plus amusant. C'est une histoire d'amour fantastique, voilà, qui se passe à Nancy. Je venais juste d'arriver à Nancy. Donc, c'est un prétexte pour parler de l'art nouveau. C'est un roman contemporain, mais sur fond d'art nouveau. Et ce Bélisaire, qui habite à Sorue, une super maison art nouveau que tout le monde connaît, et il se passe des choses étranges dans sa maison. Il a l'impression qu'il y a une statue qui est vivante. Et une statue, on imaginait que c'était une statue de Gruber. Et voilà, il a l'impression qu'elle sort la nuit. Donc voilà, ça c'est la toile de fond. Et l'histoire, c'est qu'il va retrouver une amie d'enfance avec qui il a fait les 400 couples à Stan. Bon, et sa vie va être très perturbée à la fois par les retrouvailles avec cette amie d'enfance et également par tout ce qui se passe dans sa maison. Voilà. Et c'est assez fantastique parce que bon, je dis pas la fin, mais bon, non, il va se passer. D'ailleurs, c'est un grand flashback parce que le roman démarre, il est mort. Il est déjà mort. Comme ça, il y a quand même du suspense. Mais et la fin est amusante. Oui, bien sûr. Alors, il a eu un prix, ce roman. Le prix des conseils généraux en 2013. Ah, d'accord. Voilà, il a aimé. Les conseillers généraux l'ont aimé. Alors, les familles dans vos deux romans sont logées dans des maisons écoles de Nancy. Vous aimez ce style, apparemment ? Ah, moi, j'aime bien, oui. Ouais. Moi aussi, l'art nouveau, j'aime bien. Ouais. Mais attends, on les Vosges, elle était... Tiens, c'est amusant. Elle n'est pas trop... Bon, elle est du 1900. Elle est 1900. Vous l'avez vu, école de nouveau, école de Nancy. Oui, la façon dont vous les décriviez, en fait, qu'elle avait... Ah, ça, c'est inconscient, mais c'est vrai que j'aime bien. Oui. C'est tout en courbe, tout en voilà. Pas de ligne droite, et puis un peu, c'est des maisons vivantes. Oui, voilà. Puis je trouve que l'intérieur est très très chaleureux par rapport aux maisons modernes que je trouve un peu froides. Elles sont un peu... Mais bon, dans l'art nouveau, les meubles, j'aime pas tout, hein, quand même. Il y en a quelques-uns des biens, mais il y en a quand même un peu trop de tarabiscotés pour moi. Quelquefois, c'est un peu sinistre. C'est un peu oppressant. Oui, c'est ça. Mais ça a dû vous surprendre, vous, non, quand vous êtes arrivé en Lorraine, de voir ce style. Je connaissais un peu, mais c'est vrai qu'en Lorraine, surtout à Nancy, c'est omniprésent. Oui, c'est omniprésent. Mais c'est vrai qu'en région parisienne, on dénigre un peu. On appelle ça le style nouille. Nouille, oui, c'est ça. Mais bon, c'était... Je ne l'ai pas mis dans le roman, mais j'aurais pu... Non, comme le roman se passe en Lorraine, ce ne sont que des Lorrains, ils ne pouvaient pas... Parler de style nouille, mais c'est vrai que mes grands-parents parlaient du style nouille. Ma grand-mère parlait du style nouille. Voilà, mais c'était à cette époque. Mais c'était péjoratif. Voilà, mais je crois que c'était réhabilité depuis. Mais moi, j'adore le style nouille. Mais je dis pas tout. Alors, parlez-nous de votre actualité, de vos projets. Eh bien, donc moi, j'ai terminé. Donc, il y a un nouveau roman qui est prêt. Voilà, donc Bernard Collin des éditions Rebline est en train de le lire, Il demande toujours des petites modifications. Oui, bien sûr. Et voilà, donc je pense qu'il paraîtra cet été. Mmh, et c'est l'histoire de... Une histoire qui ressemble plus à Lorraine d'Amour et de Alors, ou du non, fantastique non, c'est... Non, non, non, les deux. Les deux. les deux. Les deux, donc c'est un... C'est une personne, un quinquagénaire, donc toute ressemblance... donc qui... Enfin, qui se fait virer de son entreprise. Et puis, c'est le début d'un espèce de road movie. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc, c'est une quête. Mais c'est vrai qu'il y a un côté fantastique. Il y a un côté. Donc, on retrouve un peu Bélisaire. Voilà. Et c'est ça qui est bien. C'est au départ, à partir d'un fait, à partir d'un événement qui est bien dans la réalité, pouvoir s'extraire complètement de cette réalité. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Parce que... Alors, vous les trouvez dans les librairies. Hein. Bon, ils l'ont rarement en stock, mais ils le commandent, hein, parce que les éditions Reblin livrent. Et sinon, sur le site de Reblin. Voilà. Ils sont à 9 maisons. Hein, ils sont à 9 maisons, oui. Mais on livre donc sur le site internet. On vous l'envoie immédiatement. Sans problème. D'accord. Vous serez présent au livre sur la place ? Oui. Ça y est, les éditions Reblin ont leur stand. Et parce que vous fréquentez les salons littéraires, hein, bien sûr. Oui, en Lorraine, oui. J'adore. Vous aimez quoi ? Le contact avec le public, essentiellement ? Voilà, le contact avec les lecteurs, et puis avec les autres auteurs aussi, parce que on est nombreux à écrire en Lorraine. Je trouve, oui, vous êtes nombreux, effectivement. Mais vous vous entendez bien, tous ? Oui, très bien. Et qu'est-ce que vous apporte le public, en fait ? C'est une bonne question. Déjà, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait du bien à son égo de voir qu'on n'écrit pas... On écrit pour soi d'abord, mais quand même, ça fait très plaisir de voir qu'on a été lu, qu'on a été compris, apprécié, voilà, donc ça fait plaisir. Et puis, ce qui m'a frappé, surtout que bon, j'ai eu un certain nombre de critiques, plutôt positives d'ailleurs, je pense que ceux qui n'aiment pas, ils n'écrivent pas, mais les critiques étaient assez, assez positives, et... Finalement, les critiques trouvent des choses, enfin, des interprétations, vous prêtent des intentions qu'on n'a jamais eues. C'est très intéressant de voir finalement le personnage, l'histoire vous échappe. Et on dit, plusieurs personnes disent, ah oui, vous avez voulu dire ça, et ben, oui, peut-être, mais en fait, pas du tout. Et vos personnages sont complètement différents de ce que vous aviez. Oui, c'est pas bête, pourquoi pas. Ouais. Vous êtes surpris dans le bon sens, toujours ouais. Ceux qui fréquentent tous les salons littéraires de Lorraine sont... Quand on fait l'effort de venir, c'est qu'on on apprécie la littérature, on apprécie l'auteur, sinon on ne va pas le voir. Les contacts sont toujours des contacts agréables, positifs. Ouais. Mais bon, moi je préfère les petits salons parce que quand le livre sur la place, je veux dire, c'est une telle bousculade, telle foule qu'on ne peut pas aborder les auteurs. En fait, c'est très très difficile, quel que soit le moment où on y va. Venez nous voir à Reblin. On vous accueillera. Et donc, vous n'avez pas l'intention d'arrêter d'écrire ? Ah non. J'écrirai quand je serai mort. D'accord. Pour l'instant, ça va, je suis en bonne santé. Écoutez, je vous souhaite de continuer à écrire longtemps parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une jubilation à écrire. Oui, voilà, c'est assez jubilatoire. Ouais. Mais on ne le sent pas chez tout le monde. Et moi, j'ai trouvé que c'était... Ah bon ? Oui, je l'ai trouvé que c'était... Il y a des auteurs qui... J'ai trouvé que c'était assez présent dans votre livre. Oh, mais je me fais plaisir, j'écris pour mon plaisir. Voilà, c'est ça. Comme je fais par ailleurs un métier qui est quand même assez sérieux, donc il y a une compensation. Oui, bien sûr. Et votre famille ? Ah ben ça va, moi j'ai mes enfants sont grands, donc... Parce que je suppose que entre une activité professionnelle et l'activité d'écrire, vous devez avoir quand même une vie... C'est vrai que surtout ma femme, les romans, mes écrits, elle les vit, elle les voit, c'est un peu une obsession, surtout quand le roman commence à prendre corps. Ouais, c'est ma première lectrice, oui. Alors, merci beaucoup, Benoît Gauthier, d'être venu nous parler de votre roman, Lorraine d'or et de haine. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Alors, au revoir à tous et à bientôt.